Salut à tous et bienvenue, c'est les Radars du Sport, vous êtes sur Arc-en-Ciel, 96 FM, je suis ravi de vous retrouver pour cette dernière émission de l'année, 27 décembre. J'espère que tout va bien pour vous, vous avez passé un bon réveillon, un bon Noël. Et en tout cas, on est ensemble sur une émission raccourcie, puisqu'on sera ensemble pendant une heure, hein, et qui est évidemment une actualité sportive un peu moins dense que d'habitude. Donc on sera ensemble pendant une heure pour cette dernière de l'année. Et ensuite, bien sûr, on se retrouvera dès l'année prochaine, dès lundi prochain, pour un nouveau numéro en horaire classique, hein, 20h30, 22h30, avec le retour de Manu. Mais pour cette dernière, voilà, 19h30 et émission raccourcie. Avec un petit programme que je vous donne tout de suite, avec du foot bien sûr. On reviendra sur la dernière journée de Ligue 1 de cette phase aller, la 19e journée, avec notamment les résultats surprenants, hein. Match nul pour les Parisiens, pour Lyon, pour Marseille, victoire pour Monaco face à Rennes, ou encore la victoire de Lille à Bordeaux, renversante, et encore le choc entre Nice et Lens, remporté par Nice. Donc cette dernière journée, on aura l'occasion aussi de parler des journées en Angleterre où ça a continué de jouer bien sûr pendant les fêtes comme habituellement c'est le cas, le Boxing Day maintenu malgré de nombreux cas de Covid dans les différents clubs de Première Ligue. Les résultats de ces matchs de la semaine, c'est le à venir puisqu'il y en aura encore cette semaine pour les clubs anglais. Et puis une information concernant aussi la Coupe de France, et cette information qui est tombée il y a quelques minutes entre le match entre le PFC et l'OL qui avait été arrêté à la mi-temps en raison des débordements, des incidents, et bien la décision a été rendue à l'instant, il y a quelques heures maintenant, puisque les deux équipes sont désormais éliminées de la Coupe de France. Et ce qui veut dire que par extension, Nice, qui est directement qualifié pour les huitièmes de finale, qui n'aura pas à jouer son match, on donnera les autres sanctions, le détail de toutes les sanctions tout à l'heure. Il y en a quelques-unes quand même pour les deux clubs, donc on en reparlera tout à l'heure. Voilà pour le foot, donc le programme. On aura un mot de tennis aussi à quelques jours même de l'Open d'Australie. Des forfaits qui sont intervenus il y a quelques jours. On aura aussi des nouvelles pour Novak Djokovic qui devrait peut-être zapper la TP Cup, ce qui pourrait peut-être dire qu'il zappera aussi l'Open d'Australie. On en reparle tout à l'heure avec quelques infos, donc tennis. Du rugby, la dernière journée de top 14 avant la trêve, c'est ce soir. On reviendra aussi sur la journée déjà passée, hein, le week-end dernier avec la 13e. Et puis des matchs ce soir. Alors il y a eu beaucoup de reports aussi au rugby, hein, beaucoup évidemment de cas de Covid aussi. Un match a eu lieu hier seulement. C'était entre Castres et Perpignan, même entre Perpignan et Castres. Deux reports hier, deux aujourd'hui, deux matchs seulement. Ce soir, ce sera entre Biarritz et Montpellier, qui a démarré il y a une demi-heure. Montpellier mène 10 à 6 après 30 minutes de jeu. Et puis tout à l'heure, à 21h, ce sera La Rochelle qui affrontera Lyon. Ce sera à suivre sur Canal+, donc à 21h. Et puis donc les deux autres matchs, Racing, Pau et Toulon, Bordeaux-Bègles, ont été reportés. Et après cette journée, il y aura encore une journée samedi et dimanche. On jouera le 1er janvier. Et dimanche aussi le 2. Et après, il y aura encore une journée le week-end suivant. Alors, on va pas s'arrêter tout de suite au rugby. Donc de ce côté-là, on aura encore de quoi parler du côté donc du top 14. Un mot de basket aussi, fin de série pour l'OLB, battu ce week-end après 4 victoires consécutives. Mais finalement, l'OLB qui s'est incliné dans un match qui était important en plus face à un mal cassé. Défaite face au Paris Basket, large défaite en plus à domicile, qui arrête cette série pour Orléans, qui rejouera à nouveau ce soir à 20h d'ailleurs à l'extérieur, ce sera à Bourg-en-Bresse avant la trêve, puisqu'il y aura ensuite une petite trêve jusqu'au 8 janvier. Donc face à Bourg-en-Bresse, c'est dans un peu plus de 20 minutes, face à Bourg-en-Bresse qui est 13e, qui est là aussi un des mal classés de la saison, donc aussi important de bien négocier cette rencontre. Donc le basket tout à l'heure. Quelques infos hand aussi avant quelques jours aussi avant le début de l'Euro masculin, avec là aussi des cas de Covid qui donc vont perturber un petit peu cette préparation, avec 5 nouveaux cas de Covid, donc Nicolas Karabatic notamment positif, qui vont manquer une partie de cette préparation de l'Euro. Donc on en reparle tout à l'heure. Nalin Rioli également, lui qui sera forfait complètement pour le tournoi puisqu'il est blessé, on en reparle tout à l'heure. Quelques infos hand et puis quelques infos ski avec des étapes qui se sont déroulées en début de semaine du côté de l'Italie, des deux étapes avec malheureusement un Français, Clément Noël, qui était à quelques portes, c'est le cas de le dire, de la victoire, à une porte même, et malheureusement sur son slalom il a chuté et il n'a pas pu s'imposer. Mais on en parle juste après, donc sur cette partie ski. Et puis en côté direct, on suivra. Newcastle en Manchester United sera 21h, donc on n'aura pas cette ressource direct. Seulement, du coup, la fin du match entre Biarritz et Montpellier au rugby. Et puis le foot, ce sera à 21h entre Newcastle et Manchester United. Canal Plus Sport ou RMC Sport pour suivre ces deux rencontres. On marque une pause. Et on se retrouve juste après. On va commencer avec côté son. D'ailleurs, vous n'hésitez pas, vous proposez vos titres sur Facebook. Vous pouvez aussi commenter actualité en direct sur le Facebook. Et puis, bien sûr, nous appeler 02 38 434 800 pour nous joindre. C'est simple. Pour nous écouter, c'est simple. 96.2 FM, c'est donc la fréquence. Et sinon, vous pouvez bien sûr écouter le direct sur le site. Radio-arc-en-ciel.com. C'est Michael Jackson tout de suite pour démarrer avec Smooth Criminal 88, issu de l'album Bad. On écoute Michael Jackson, on se retrouve juste après pour la deuxième partie. A tout de suite sur Arc-en-ciel. Walking, are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you Michael Jackson avec Smooth Criminal à l'instant pour le premier son de la soirée. On va commencer tout de suite avec une information. Donc ski alpin, c'est la trêve, mais il y a encore des courses malgré tout. Une course avait lieu seulement cette semaine. C'était un slalom, pardon, en Italie. La victoire, elle est pour Sébastien Foss, le Norvégien. On retrouve quand même Alexis Pinturo deuxième, à un dixième seulement du Norvégien. Et on retrouve ensuite Christopher Jakobsen, le Suédois, juste derrière à troisième place. À noter la neuvième place pour Victor Mifalandé. Et malheureusement, Clément Noël a en tête à l'issue de la première manche, qui avait réalisé aussi une belle deuxième manche, a chuté sur la dernière porte de la deuxième manche et malheureusement, il n'a pas pu terminer et donc il n'est pas classé sur ce slalom, pardon. Et mauvaise nouvelle pour lui, qui était à deux doigts de la victoire. Cette semaine, avant ça, juste un petit point sur le classement. Avec toujours Marco Odermatt, le Suisse, en tête, Mathias Mayer deuxième, Alexander Kiel troisième, Alexis Pinturo quatrième, qui reprend la quatrième place donc de ce classement. Cette semaine, trois courses sont au programme. On sera toujours en Italie à Bormio, demain une descente, mercredi un super G et jeudi une nouvelle descente. Chez les femmes, là aussi on continue avec au programme Courchevel, c'était la semaine dernière, mardi, mercredi, deux slaloms géants avaient lieu. Le premier a été enlevé par l'américaine Michaela Schifrin, qui s'impose. Tessa Worley, la première française, est cinquième. Et puis, toujours en géant le lendemain, victoire cette fois pour la Suédoise Sarah Hector. Michaela Schifrin prend la deuxième place cette fois. Tessa Worley, quatrième, encore une fois, bien classée. Michaela Schifrin, d'ailleurs, qui est positive au Covid, qui va manquer les deux courses de cette semaine qui auront lieu demain et mercredi avec un géant et un slalom. Donc elle manquera cette étape de deux courses. Elle a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'elle était positive au Covid aujourd'hui. Et on rappelle, c'est elle qui est leader du général, d'ailleurs, l'américaine, avec une belle avance d'ailleurs sur Sofia Goggia, l'italienne, au classement donc général. Donc elle va manquer ces deux courses en Autriche, l'américaine, qu'on retrouvera probablement le week-end suivant en Serbie, en Croatie, pardon. Voilà pour l'actualité donc ski, et puis donc pour le biathlon, retour bien sûr, on le rappelle, la semaine prochaine. Il n'y aura pas de course encore cette semaine, c'est la trêve toujours, mais la semaine prochaine, étape en Allemagne, Oberhof au programme donc de la prochaine étape. Voilà, pour être parfaitement complet. On change d'univers avec du handball. Du handball avec donc malheureusement des petits pépins pour l'équipe de France qui, on le rappelle, va souffrir un petit peu de ces différents forfaits et Covid pour le moment. On rappelle juste avant cela, bien sûr, la fin du mondial féminin le week-end dernier, avec malheureusement cette défaite de l'équipe de France en finale face à la Norvège, qui a malgré tout pris une belle médaille d'argent après, rappel, l'or olympique, qui réalise une année énorme, et on a hâte de retrouver les filles avec de nouvelles aventures. L'équipe de France, voilà, de cette fois-ci garçon, avec qui on disait malheureusement pas mal de pépins, avec notamment déjà côté forfait qui est validé. On a l'absence de Denis Brémilly, ça c'est un point noir pour l'équipe de France, forfait avec les Bleus, victime d'une fracture du pied gauche, qu'il a contracté à l'entraînement donc mercredi dernier. Malheureusement, il sera absent. C'est le Paris Saint-Germain qui a annoncé son forfait, donc blessé à l'entraînement mercredi, fracture du pied gauche. Pas de durée d'indisponibilité, pardon, pour le moment, mais en tout cas, c'est sûr, il manquera l'Euro qui démarre le 13 janvier. Donc absence malheureusement de taille pour l'équipe de France pour Nelim Remili. On a sinon 5 nouveaux cas de Covid du côté de l'équipe de France toujours, avec notamment Rémi Desbonnet, Hugo Desca, Émeric Mine, Dylan Nani et Oïm Prandi. On rappelle le stage qui a lieu à Créteil en ce moment, et donc le stage de préparation. Eh bien, ils ont été donc eux positifs, donc déclarés positifs. Après déjà les cas positifs de Nicolas Karabatic, Benoît Kungun et Yanis Len, qui ont été mis à l'écart eux déjà depuis jeudi. Donc 5 nouveaux cas ont été annoncés hier. Voilà, donc beaucoup d'absences déjà. Deux tests ont été faits vendredi et hier. Voilà, donc toujours à Créteil. Et donc 5 nouvelles personnes touchées. Donc le stage qui est prévu que donc de dimanche à jeudi, donc ne présentera pas tous ses joueurs hein, pour l'instant. Et qui va faire appel à du renfort pour compléter son groupe. Mais cela ne vont manquer, en tout cas, la première partie de la préparation. C'est pas la meilleure préparation possible, mais en tout cas, c'est comme ça. Et, voilà, le médecin des Bleus, lui, qui a expliqué en conférence de presse, que le protocole mis en place, après l'apparition des premiers cas, a évité une catastrophe, en tout cas, probablement un cluster. Et, c'est déjà, une première bonne nouvelle. Et, en tout cas, ils ont été isolés immédiatement dans leur chambre, et c'est ce qui a permis d'éviter de voir un cluster plus important. En tout cas, 13 joueurs ont commencé l'entraînement classique, et il va falloir ensuite retrouver les bases pour ceux qui ont été testés positifs, puisqu'il y aura un deuxième stage à Chambéry à partir du 2 janvier, donc dimanche jusqu'au vendredi 7. Voilà, avant d'affronter l'Égypte. Donc en préparation le 7 janvier, on aura ensuite la Norvège à Paris à l'Accor Hotel Arena, et enfin donc dans le cadre de la Golden League, et ensuite l'Euro qui commencera le 13 janvier avec le match face à la Croatie. On rappelle qu'aura lieu en Hongrie en Hongrie, c'est ça, ce 7 euros, et en Slovaquie également. Donc voilà, les préparations avec l'Égypte et la Norvège dans le cadre de la Golden League. Et ensuite, début de l'Euro 13 avec, on l'espère, le groupe au complet. Alors il y a déjà des forfaits, ça on les a déjà annoncés. Voilà, donc Nedir Mili s'ajoute à cette liste de forfaits confirmés. C'est déjà mauvaise nouvelle. Mais voilà, on espère qu'il n'y aura pas d'autres d'ici là. En tout cas, on referme cette page. Avant de juste vous dire que la reprise de la saison officielle des femmes aura lieu la semaine prochaine, mercredi prochain, avec la réception de Metz pour Fleury. C'est pas la meilleure reprise possible, mais il faudra faire en tout cas avec pour les Françaises. On referme la page donc handball, et on va se diriger donc vers le basket, avec là des matchs bien sûr qui continuent de se dérouler. On en reparlera après, donc bien sûr, notamment de la NBA. Mais avant ça, bien sûr, ça continue de jouer en championnat de France, avec une journée, la 13e journée qui avait lieu donc ce week-end, avec notamment la fin de série pour Orléans, malheureusement, qui était sur une série de 4 victoires consécutives, qui s'incline face au Paris Basket. Dommage, puisque c'était un mal classé. Et il a fallu s'imposer pour rester à distance. Une défaite en plus assez large sur le score de 93-75. Un report, c'est celui entre Nanterre et le Portel, match avec aussi des cas d'avéré de Covid. Hormis ça, donc la victoire de Monaco qui a battu l'ASVEL, une nouvelle défaite pour l'ASVEL, 84-82. On a sinon la victoire de Boulogne qui continue son gros parcours en tête, avec qui est toujours vaincu à domicile d'ailleurs. Victoire face à Bourg-en-Bresse 71-68. Dijon s'impose après prolongation face à Strasbourg. Gros match, 97-88. Voilà donc notamment les résultats. Au classement, Boulogne reste en leader donc avec un gros bilan, 12 victoires et un seul revers. On a ensuite Monaco deuxième, qui suit Le Mans, Strasbourg, Pau, l'ASVEL, Limoges. Orléans chute à la 11e place avec cette défaite. Égalité notamment avec Rouen. On a ensuite Nanterre, en bas Chalon, Paris Basket, Le Portel ou encore Cholet. Prochaine journée cette semaine, donc ça a démarré hier avec les victoires de Monaco à Extérieur-Fos-sur-Mer. Deux reports déjà annoncés, Strasbourg-Nanterre, ou encore le match entre Le Portel et Boulogne. En revanche, le match qui lui aura bien lieu, c'est celui entre l'ASVEL et Limoges, malgré 8 cas de Covid dans son effectif pour l'ASVEL, une demande qui a été donnée en tout cas à la Ligue pour reporter ce match face à Limoges. Alors 4 cas chez les joueurs et 4 dans les membres du staff, dont le coach TJ Parker. Et malgré tout ça, eh bien la Ligue qui n'a pas reporté ce match, qui n'a pas donné le feu vert. Voilà, donc en tout cas pour l'ASVEL, il va falloir jouer avec pas mal d'absents, et ce sera donc d'ailleurs tout à l'heure, puisque les matchs ont lieu à 20h. Orléans ira à Bourg-en-Bresse, et donc l'ASVEL recevra Limoges, ce sera dans 10 minutes maintenant le début de ces rencontres. Voilà le programme pour ce jour, ce soir, et puis nouvelle journée ensuite, pas avant le 8 janvier. Là aussi, on va se reposer un petit peu avant de rattaquer donc la fin de semaine prochaine. Voilà pour le point en championnat de France. L'Euroleague continuait de se dérouler avec une belle victoire pour l'ASVEL qui s'est imposée en milieu de semaine face à domicile face à Fenerbahçe, 84-82. Match accroché, mais victoire importante pour l'ASVEL. Monaco, de son côté, c'est de nouveau incliné à Berlin, 92-84. Au classement, eh bien, nos deux clubs français sont 9e et 16e. 9e pour l'ASVEL, qui se replace très bien avec cette victoire. En revanche, Monaco qui s'enfonce un petit peu à la 16e place, qui n'est plus qu'à deux places de la dernière place, hein, puisqu'il y a 16 équipes qui composent ce groupe. Ça reprend donc dans deux jours, mercredi, Monaco recevra le Maccabi Tel Aviv, l'ASVEL recevra le Bayern de ce côté jeudi. Voilà pour la 18e journée. Et puis ensuite, eh bien, ça se enchaînera la semaine suivante. Voilà, il n'y aura pas de trêve sur cette Euroleague. Ça, c'est donc pour les Euroleague chez les garçons et chez les femmes. Eh bien, là aussi, on continue de jouer, et ça se passe pas très très bien pour nos clubs français, malheureusement. Un petit peu mieux pour Montpellier, qui reprendra la saison d'Euroleague pas avant le 12 janvier. Là, par contre, chez les femmes, on va s'arrêter un petit peu avant de rattaquer cette campagne européenne. Et puis même chose sur les clubs engagés dans les différentes coupes, que ce soit l'Eurocoupe ou la Ligue des Champions. Là aussi, petite trêve avant de rattaquer la saison pour la deuxième partie qui aura lieu pas avant le 12 janvier. Et en revanche, la phase de groupe est terminée, hein, en Ligue des Champions. Dijon, de son côté, s'est qualifié pour la suite. Bonne nouvelle, hein, malgré une dernière défaite à l'extérieur. Ça passe quand même pour Dijon, qui finira deuxième grâce à sa différence de points qui permet de se qualifier à la deuxième place. Et pour notre autre club français, Strasbourg, ça passe aussi malgré une défaite sur le fil face aux Belges d'Ostende, 92-91. Et bien, les deux terminent à égalité, mais Strasbourg, malgré cette défaite, se qualifie, puisqu'il y avait une victoire plus importante à l'aller, et donc se qualifier là aussi deuxième place. On retrouvera nos deux clubs français qualifiés pour la suite de cette Ligue des Champions, dont on vous rappellera le format un petit peu plus tard. En tout cas, on les retrouvera, ces deux là pour la suite. Ça, c'est plutôt sympa. Et en ce qui concerne l'Eurocoupe, ben là, ça va être un petit peu différent pour Bourg-en-Bresse, qui est pour l'instant mal classé, et Boulogne, qui a la moitié du tableau. Mais là, il reste encore beaucoup de matchs avant la fin de la première phase, pas avant début avril. Donc là, on a le temps de revoir venir. Voilà pour le point sur les Coupes d'Europe. Et puis la NBA, bien sûr, ça continue. Quelques résultats de la nuit passée. Il y avait pas mal de rencontres, pas de report sur ces matchs-là. Notamment la victoire de Denver, qui a fait un gros match à l'extérieur aux Clippers Los Angeles, victoire 103-100. Victoire des Chicago Bulls face à Indiana. Les Spurs qui ont battu Détroit. Cleveland qui ont battu Toronto. Ce qui nous donne le classement à l'Est. Brooklyn en tête. Chicago Bulls qui remonte à la deuxième place. Milwaukee, Miami, Cleveland, Philadelphie, Washington et Charlotte sont les 8 premiers pour l'instant. En bas, Orlando et Détroit. Et à l'ouest, on retrouve les Warriors toujours installés en tête, en compagnie de Phoenix, Utah Jazz ensuite 3e, Memphis, les Clippers qui se maintiennent à la 5e place, Denver 6e, les Lakers 7e et Dallas pour l'instant 8e. En bas, la Nouvelle-Orléans et Houston ferme la marche. On jouera bien sûr cette nuit des matchs à partir de 1h du matin avec Charlotte Houston. Ensuite, on aura des matchs à 2h. 2h30 Spurs Utah Jazz, à 3h également des matchs, 4h, 4h30 les Clippers, ça sera Brooklyn face à Brooklyn pardon. Et les matchs auront lieu sur Beansport 1, vous retrouvez Clippers Brooklyn et c'est à 4h30 et à 3h Phoenix Memphis sur Beansport 4. Voilà, les autres matchs ne sont pas diffusés sur Beansport. Vous pouvez déjà suivre deux rencontres. Un autre direct qui a lieu, c'est en rugby. À la pause, Montpellier mène au score face à Biarritz, 13-12. Important ce résultat pour l'instant qui est en train de se dessiner pour Montpellier, qui pourrait rattacher le wagon du podium, mais on va en parler dans un instant avec le point rugby. Et pour l'instant, donc 13-12 à la pause, un essai transformé pour Montpellier. Et notamment un essai de Pollard transformé et deux pénalités en plus et quatre pénalités pour Biarritz qui s'accroche à la pause mais qui est derrière pour un petit point. Ça c'est donc le direct rugby. Voilà, donc les matchs de NBA toute la nuit vont bien sûr d'enchaîner hein, tous les jours, même pour le réveillon des matchs et pour le 1er janvier il y aura des matchs tous les jours, voilà, jusqu'à début avril, hein, avant mi-avril, même avant la fameuse partie play-off. Voilà pour le basket. On va marquer une pause et on se retrouvera ensuite pour évoquer justement la journée de top 14 qui vient de se dérouler, le foot et le tennis aussi, tout ça dans la dernière demi-heure. Qui va nous emmener tranquillement jusqu'à 20h30. Tiens, une info qui est tombée il y a quelques minutes suite aux annonces du gouvernement et de Jean Castex pardon, qui a annoncé des jauges de 2000 personnes en intérieur et 5000 en extérieur pour faire face à, bien sûr, à la flambée épidémique. Donc, il a annoncé tout à l'heure ces mesures, donc 2000 maximum en intérieur et 5000 en extérieur. Qui s'appliquera dès lundi prochain pour une durée de 3 semaines. Voilà les informations. Donc concernant le sport, les informations du gouvernement. Voilà donc pour ces deux infos. On marque une pause et on se retrouve donc pour la suite de l'émission. Les directs continuent. Et on va marquer une pause tout ça avec quoi qu'on nous propose. Allez-y, hein, continuez de proposer ce que vous avez envie d'écouter. En tout cas, ça, on essaiera de passer tout ça dans la prochaine demi-heure. Mais là, on nous propose pas mal de choses. Continuez de proposer. On va choisir. On fera tout à l'heure peut-être pour le dernier titre un vote pour ce que vous voulez écouter. Mais là, on nous propose The Weeknd. On va écouter The Weeknd avec Blinding Light. C'est parti. Donc, on écoute tout de suite ce titre de The Weeknd et on se retrouve juste après pour la deuxième partie avec donc le rugby, le tennis et le foot tranquillement qui nous amènera jusqu'à 20h30. 20h quasiment, 19h59. À tout de suite sur Arc-en-Ciel. Just a touch. The Weeknd, Blinding Light à l'instant pour cette deuxième pause. On revient pour la dernière partie déjà, il est déjà un peu plus de 20h. Et donc, rugby tout de suite avec le top 14 qui a repris après les deux journées de Coupe d'Europe. Donc, top 14 et la 13e journée. Donc avec une pas mal de reports comme on le disait. Un seul résultat, c'est la victoire de Castries face à Perpignan. Brive, Clermont, Toulouse, Stade Français reporté. Beaucoup de cas dans tous les clubs. Aujourd'hui donc Racing, Pau et Toulon, Bordeaux, Bègles reporté. En direct c'est donc Biarritz, Montpellier. Et puis tout à l'heure 21h, dans une heure, La Rochelle, Lyon. Pour le moment, classement malgré tous ces reports. Eh bien, on va donc retrouver Bordeaux-Bègles, toujours en tête, 42 points, avec donc pour l'instant un match encore à jouer. Toulouse, deuxième, 40 points. Montpellier, pour le moment, est à 35 points, mais en cas de victoire, pour l'instant, il y a 13-12 pour Montpellier à la pause, pourrait recoller à un petit point de Toulouse, pourrait être à 39 points. Peut-être même un peu plus s'il y a un bonus offensif, peut-être 40. On a ensuite Castres, Lyon, La Rochelle, qui est 7e à 1 point des playoffs, le Racing 8e, Stade Français 10e, Toulon seulement 11e avec 22 points, Brive 12e, 21 points, Perpignan 13e, 19 points, Biarritz dernier avec 18 points pour l'instant. Donc personne n'a décroché dans ce classement. Donc on peut encore tenter de revenir. Et puis la suite du programme, pour le rugby, il n'y aura pas de trêve. On enchaînera avec samedi, donc pour le 1er janvier, des matchs. Stade Français Perpignan à 19h, Clermont-Toulouse à 21h. Et des matchs dimanche aussi, avec Montpellier-Toulon, qui terminera la journée. Si tout se passe bien, les matchs auront lieu s'il n'y a pas d'ici là des cas encore positifs. On le verra en tout cas. Et un petit mot pour le RCO en Fédéral 2. On rappelle qu'il reste sur un match nul, qui pour l'instant est 4e du classement. Et qui reprendra la compétition le 9 janvier avec un match déplacement à Dole, donc qui est 6e, qui est juste derrière. Donc c'est un match intéressant pour les Orléanais, pour rester au contact du podium. Et on le sait, aller chercher les playoffs, c'est l'objectif bien sûr annoncé. Voilà donc pour le rugby, nouvelle journée ce week-end, et puis on enchaînera encore une nouvelle journée ensuite, le top 14 le week-end suivant, le 8 et 9 janvier, et ensuite ce sera place à nouveau à la Coupe d'Europe, avec là aussi des reports toujours en cours, donc il va falloir rattraper tout ça. Il y a pas mal de reports là aussi. Donc voilà pour le rugby. On enchaîne avec le tennis, pas de résultats mais quelques infos à quelques jours de l'Open d'Australie. On en sait un peu plus sur les joueurs qui iront ou pas en Australie, en tout cas des forfaits un petit peu partout quand même dans ces différentes équipes. On a notamment Milos Raonic qui lui donc a annoncé son forfait pour l'Open Australie. On rappelle qu'il est tombé à la 70e place mondiale. Voilà, donc alors là on n'en sait pas en tout cas plus sur son forfait, mais en tout cas c'est pas pour des raisons de Covid. C'est surtout lui c'est des blessures qu'il traîne depuis un petit moment. Sur Omoué notamment, donc il n'est plus sur les cours depuis fin du mois de juillet quand même. Donc voilà, encore besoin de temps pour se remettre en forme. Il va manquer à nouveau ce grand chelem. Pas un forfait, mais une invitation, c'est celle de Andy Murray qui a obtenu une wild card à part du tournoi. Bonne nouvelle aussi pour les Britanniques, qui donc annoncé les organisateurs donc l'invitation d'Andy Murray, qui a été 5 fois finaliste à Melbourne, notamment entre 2010 et 2016, pas de victoire mais 5 finales. Il sera présent. On rappelle qu'il est toujours 134e mondial, mais qui va petit à petit, on l'espère, grimper un petit peu au classement et revenir pourquoi pas sur un bon niveau. En tout cas il fait tout pour y arriver, l'Écossais, donc on verra si ça le fait pour lui. D'autres infos avec alors pas des repas, pas des forfaits, mais des cas de Covid. Andriy Rublev, notamment lui, le Russe, positif donc au Covid-19 également. Sixième joueur contaminé après avoir participé au tournoi d'Abu Dhabi, hein, exhibition, avec notamment Rafael Nadal, Emma Raducanu, Melinda Bencic, Hans Schaber, Denis Shapovalov, et donc désormais Andriy Rublev, c'est le joueur, certains joueurs qui étaient présents à Abu Dhabi pour l'exhibition du 16 au 18 décembre, et donc bah, ça fait encore un cas supplémentaire de Covid, donc là aussi une préparation perturbée pour l'Open d'Australie à venir. Carlos Moya aussi, l'entraîneur de Nadal, positif aussi, hein, voilà, donc ça fait encore un de plus. En revanche, Matteo Berrettini, lui, est guéri hein, du Covid. Il lancera sa saison en Australie, ça c'est certain, lors de l'ATP Cup, là, qui était blessé aux abdominaux. Donc lui, voilà, il va pouvoir reprendre tranquillement. Le match qui avait déclaré forfait, on rappelle lors de la phase de poule de la du Masters, et qui avait manqué aussi la Coupe Davis, et donc il va mieux. Alors si c'était pas pour Covid, hein, c'était pour blessure, et il va pouvoir travailler tranquillement pour revenir donc en forme à l'Open d'Australie. La TP Cup, donc on en parlait, qui aura lieu du coup là cette semaine, avec peut-être l'absence de Novak Djokovic. C'est encore une question qui est posée, selon en tout cas le quotidien serbe Big Sport, le numéro mondial, qui est toujours à Belgrade, hein, qui n'est pas encore en Australie, ne se rendra pas à Sydney pour disputer la TP Cup qui aura lieu à partir du 1er janvier, hein, à partir de dimanche, samedi. C'est ce qu'annonce le quotidien serbe. Voilà, donc ça pourrait en tout cas vouloir dire qu'il ne sera pas pour la TP Cup à Sydney, et qu'il ne sera pas non plus peut-être à l'Open d'Australie. Alors c'est là aussi des questions encore en suspens, on verra en tout cas, mais s'il y va, il n'aura pas de compétition dans les jambes, et pour l'instant il n'a toujours pas communiqué sur sa vaccination ou non. Il devra annoncer sa décision en tout cas de jouer ou non à l'Australie avant le nouvel an. Voilà, c'est ce qu'on nous annonce, on verra si c'est le cas dans cette semaine. On pourrait y viser notamment un dixième qui serait aussi gigantesque pour lui. Voilà, donc cette semaine la TP Cup, et puis la semaine prochaine, enfin la semaine suivante, l'Open d'Australie qui démarrera. Et puis donc concernant les exceptions médicales, on avait dit qu'il y aurait des exceptions médicales qui pourraient être données pour l'Open d'Australie pour participer hors vaccin. Selon le patron de l'Open d'Australie, il a annoncé que peu d'exemptions médicales seront accordées aux participants pour des personnes non vaccinées. Voilà, donc c'est l'annoncé Craig Tilley, le directeur du tournoi, qu'il n'y aurait pour l'instant présenté aucun joueur exemption médicale aux organisateurs. Donc on verra si d'autres peut-être vont se manifester. En tout cas, pour l'instant, pas un seul joueur. Ni Novak Djokovic, qui lui des rumeurs sur une potentielle exemption, bah, pour l'instant c'est pas non plus le cas. Rafael Nadal lui sera remis à temps pour l'Open d'Australie, c'est ce qu'a annoncé aussi le directeur de tournoi, donc on l'espère en tout cas pour qu'il puisse être présent. Donc des absents déjà, on l'a dit, hein, ça c'est confirmé, avec notamment Serena Williams, Roger Federer, ça c'est confirmé depuis un petit moment, blessé. Jennifer Brady, Karolina Pliskova, Bianca Andreescu, Karolina Muchova, Dominic Thiem, incertain. Voilà donc les dernières infos concernant l'Open d'Australie cette semaine, donc la TP Cup, et la semaine prochaine, eh bien c'est parti pour ensuite le début donc de cette Open Australie, qui sera un petit peu particulier, un peu perturbé par ces reports. La TP Cup donc démarre le samedi 1er janvier. On rappelle, la France ne sera pas présente. On retrouvera notamment l'Argentine, l'Espagne, malgré l'absence de Rafael Nadal. On aura également la Grèce avec Stefanos Tsitsipas, donc la Serbie qui sera amputé de l'absence de Novak Djokovic. Voilà, la Russie, mais avec l'absence aussi de Andriy Rublev, positif au Covid. Voilà, les différentes équipes, Pologne également. Voilà, donc ça commence samedi et on fera déjà un premier point. La Canada, le Canada également, les États-Unis, l'Italie, l'Allemagne avec Zverev, la Grande-Bretagne avec Dan Evans notamment. Voilà les principales équipes qu'on trouvera donc pour ce tournoi. Donc on aura l'occasion de faire déjà un premier point, et l'Australie, n'oublie pas, lundi prochain. Voilà pour le début, donc dimanche, et ensuite bien sûr préparation pour l'Open d'Australie. On referme cette page et on va rentrer dans le dernier quart d'heure de l'émission déjà avec le tennis. Tennis donc et avec le foot, pardon, avec le foot et les dernières infos avant la trêve pour tout le monde. Déjà en Ligue 1, la dernière journée qui s'est déroulée en milieu de semaine avec un multiplex particulier puisqu'il y a eu beaucoup de surprises. Beaucoup de matchs nuls, 4 matchs nuls, 1 partout. Un petit peu moins surprenant, c'est entre 3 et Brest, 1 partout donc. Mais les autres matchs, avec Lorient-Paris, 1 but partout. Paris qui était même mené jusqu'à la 91e minute. Et l'égalisation de Mauro Icardi, un nul assez miraculeux pour Paris, qui en plus a perdu Sergio Ramos sur expulsion. Premier carton rouge pour le Parisien. Donc cette saison avec Paris, voilà, donc Paris qui s'en sort très très bien. Le match nul entre Lyon et Metz également, malgré l'ouverture de Lyon, c'est Metz qui va égaliser tout de suite, et Lyon qui n'y arrive toujours pas avec un nouveau match nul. Marseille également, Reims, là aussi un nul miraculeux puisque Reims menait 1-0 jusqu'à la 98e minute, et un pénalty après le visionnage de VAR transformé par Dimitri Payet. Deux cartons rouges, un de chaque côté aussi, un match assez tendu. Mais Marseille qui s'en sort finalement avec un point. Monaco qui lui a fait la belle opération du week-end avec tous ses matchs nuls en s'imposant face à Rennes 2-1 dans un match renversant puisque Rennes menait 1-0 jusqu'au premier quart d'heure. Et puis Ben Yedder et Voland à leur tour vont donc permettre à Monaco de s'imposer. On a la victoire de Montpellier aussi qui a battu Angers 4-1. Plutôt serein. Nice, Lens, c'était un des chocs aussi de cette journée. Victoire de Nice 2 malgré l'ouverture du score des Lensois. Là aussi, Nice qui a renversé les Lensois. Nantes qui enchaîne encore. Victoire face à Saint-Etienne. En revanche, Saint-Etienne qui se enlise un peu plus avec cette victoire de Nantes et le but de Colouani 1-0. Et enfin, la victoire de Lille à Bordeaux 3-2 dans un match. Là aussi, un grand match puisque Bordeaux a mené par deux fois. Et finalement, c'est bien Lille qui va, avec d'abord Ilmaz et David, eh bien permettre aux Lillois de s'imposer dans cette rencontre. Et puis Clermont-Strasbourg, match qui a été reporté, donc pas pour Covid, mais pour météo, puisque après l'arrivée d'un épais brouillard sur le stade, eh bien la visibilité a été jugée trop mauvaise par les arbitres, et donc le match reporté à une date. Une autre qui sera communiquée prochainement. Donc en tout cas, ce match-là qui n'a pas été joué. Après tout ça, le champion d'automne, le connaissait déjà, c'est bien sûr Paris, 45 points, qui est donc leader. Marseille, deuxième, avec 32 points. Il y a toujours un match en moins, hein, face à Lyon, qui pour l'instant n'a pas été, daté. Donc on va voir si ça va être le cas dans les prochains jours. On retrouve ensuite à la troisième place Rennes 31 points, Nice est quatrième 30 points, Montpellier est donc ensuite cinquième 28 points, Lens sixième 27 points, Monaco est donc juste derrière à la huitième place. Je vous donne un mauvais classement puisque il n'était pas actualisé. Donc on a toujours Paris, bien sûr, premier avec 46 points. C'est Nice qui est désormais deuxième avec 33 points. À égalité avec Marseille, mais toujours ce match en moins, en revanche. 33 points donc. Rennes, Montpellier, 31 points. Monaco remonte à la 6ème place. Voilà la belle opération pour Monaco avec 29 points. Désormais, on a Nantes qui aussi fait une grosse remontée, qui est 7ème avec 28 points, qui était un petit peu traîne au début de saison, puis qui va bien mieux, qui est 8ème. On a Lille ensuite, là aussi 28 points. Lens chute à la 9ème place, 27 points. Strasbourg 26 points. On a Lyon qui est aussi un des mal classés avec 13ème avec 24 points. On a ensuite Bordeaux 17 points, Metz 16 points, Lorient 16 points et Saint-Etienne 12 points, qui est déjà un petit peu qui est un petit peu reculé dans ce classement et qui vient d'enchaîner 5 défaites consécutives. Il va falloir réagir très très vite pour les Stéphanois. La prochaine journée, ce sera la reprise la semaine prochaine, le 7 janvier. Il y aura Bordeaux-Marseille qui ouvrira la journée. On aura Lille-Lorient, Lens-Rennes, aussi un beau choc. Et c'est Lyon-Paris qui finira la journée. Belle affiche aussi. Monaco ira à Nantes. Là aussi, belle affiche. Il y a des belles affiches pour cette reprise de la saison. On jouait bien sûr aussi à l'étranger, les dernières journées un petit peu partout dans les différents championnats. Pour une fois, on a démarré avec la France, mais on va enchaîner avec les autres clubs européens. Alors l'Allemagne, qui était déjà en trêve depuis la semaine d'avant, puisqu'il y avait deux journées de moins. Mais on a joué notamment en Italie avec victoire de la Juve qui a battu Cagliari 2-0. Voilà, victoire de la Juve. Match nul pour le Bergame 0-0 au Genoa. La Lazio s'est imposée 3-1 face à Venise. L'Inter Milan a battu Torino 1-0. Ou encore la défaite de Naples face à la Spezia 1-0. Mauvais résultat pour le Napoli. La Roma a tenu un échec par Gênes 1-1. Et c'est Milan AC qui fait une belle opération en s'imposant à Empoli 4-2. L'Inter conserve la tête avec 46 points. Le Milan AC en profite pour remonter à la deuxième place, 42 points. Au dépend de Naples, donc mauvaise opération, le disait, avec 39 points, qui reste sur une seule victoire sur les 5 dernières rencontres. Naples qui vient d'enchaîner quelques mauvais résultats qui les font chuter à la troisième place. Bergame, 4e, 38 points. La Juve, 5e, 34 points. La Roma est 6e, 32 points. La Lazio est seulement 8e avec 31 points. Et en bas, c'est le Genoa, Cagliari et Salernitana, le promu qui pour l'instant est le dernier. Il y a un petit trou avec la zone rouge et le reste. On avait aussi l'Espagne qui était au programme, la Liga, ces dernières journées avec donc les rencontres donc de cette 18e journée. Un match seulement avait lieu la semaine dernière, lundi. C'était donc la victoire de Valence à l'Evente 4-3, match qu'on avait suivi en partie. Et la 19e journée, qui elle va se dérouler cette semaine pour la dernière de l'année. Ça commencera vendredi avec un match programmé Valence-Barcelone, Espagne-Barcelone. Samedi, pas de match, c'est fait le 1er janvier. Retour dimanche, le 2 janvier, Real Madrid qui ira à Retafe. Atlético recevra Rayo Vallecano. Barça ira à Mallorca, notamment. Donc, dans ces rencontres. La reprise de la journée, ce sera 19e journée, donc, avec tous les matchs fin d'année et début d'année, ça va s'enchaîner. Puis il y avait un match avancé par contre de la 21e journée, c'est le Real qui se déplaçait à l'Atlético Bilbao qui s'est imposé 2-1 avec un doublé pour Karim Benzema. C'est encore lui qui va débloquer la situation. 2 buts en 7 minutes, enfin en 3 minutes, mais 2 buts après 7 minutes de jeu seulement. Et un beau doublé pour le Français qui permet au Real de s'imposer dans ce match avancé. Le Real donc reste en tête 43 points, Séville 2e 38 points, le Betis Séville 3e à 33 points, l'Atlético 5e 29 points, le Barça remonte un peu et grappille, il est 7e avec 28 points, Alaves, Cadix et Levante qui est bien décroché déjà, sont les relégables. Voilà donc pour l'Espagne donc avec un calendrier un petit peu particulier, on n'a pas joué cette semaine, par contre on jouera la semaine qui arrive. Voilà, donc c'est un petit peu différent en termes de programme, de calendrier. Voilà pour l'Espagne et on va bien sûr terminer avec l'Angleterre, puisque là on a joué pendant les fêtes, on va continuer aussi à jouer pendant le nouvel an avec le fameux Boxing Day. Voilà, ça on est à l'habitude. Alors, qui avait été menacé un temps ce Boxing Day les différents cas de Covid. Alors, beaucoup de cas de Covid d'ailleurs, 103 cas positifs encore la semaine dernière en Première Ligue. Et on a décidé malgré tout de maintenir ce ce Boxing Day hein, qui a été menacé donc, et on a pu jouer donc lors de ces rencontres habituelles. Alors pas mal de rencontres hein, d'ailleurs, pas mal de reports aussi. Déjà le week-end précédent, on avait reporté 5 rencontres. Seulement les gros clubs avaient joué, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Tottenham avaient joué. Et là encore quelques reports, moins, mais encore 4 reports quand même. On a 3, pardon. Liverpool face à Leeds, match reporté. Burnley, Everton ou encore Wolverhampton, Watford. Mais des matchs qui ont lieu, bien sûr. City, le carton face à Leicester, 6-3. Scénario incroyable. C'était hier, si vous l'avez suivi. Manchester City qui menait 4-0 à la pause avec des buts de De Bruyne, Mahrez, Gundogan ou encore Sterling après 25 minutes seulement de jeu, hein, qui avait fait une première partie de mi-temps énorme. Retour des vestiaires, eh bien, c'est Leicester qui avait par 3 fois marqué et pour revenir à 4-3. Pour marquer 3 buts en 10 minutes pour revenir dans le match, et puis ensuite Laporte et Sterling qui ont permis à City de s'imposer 6-3. Donc voilà, vraiment incroyable le scénario donc sur cette rencontre. Arsenal aussi qui a fait le job, plus que le job, qui a battu Norwich City 5-0 avec notamment un but pour Alexandre Lacazette, le français. Chelsea s'est imposé aussi à Aston Villa 3-1 avec notamment Jorginho avec un 2-buts au penalty et Lukaku. Et puis Tottenham qui s'est imposé aussi face à Crystal Palace 3-0 avec notamment un but pour Harry Kane et un autre pour Lucas, l'ancien parisien. Manchester United jouera ce soir à Newcastle, ce sera à 21h. Au classement, Manchester City s'envole avec cette victoire, 47 points. Deuxième, c'est Liverpool, 41 points, mais donc un match en moins. Chelsea, troisième, 41 points également. Arsenal, quatrième, 35 points. Tottenham, cinquième, 29 points. United est septième avec 27 points, avec un match à jouer ce soir qui permettrait Reds de repasser cinquième. Et plus bas, on a Leicester dixième, en bas Burnley, Newcastle, Norwich sont regardés, mais personne n'est décroché. Tout le monde peut encore espérer revenir dans ce classement. Avaient lieu les quarts de finale de la Coupe de la Ligue, c'était la semaine dernière, avec notamment Arsenal qui a battu Sunderland 5-1, qui donc se qualifie pour la suite de la compétition. Chelsea aussi s'est qualifié en battant Brentford à l'extérieur 2-0. Liverpool s'en sort bien et s'impose au tir au but, se qualifie au tir au but face à Leicester 3-3 dans le temps additionnel. Égalisation surtout de Liverpool à la 93e minute de jeu, 95e pardon même, alors qu'on avait 6 minutes de temps additionnel. Donc Liverpool qui déjà égalise dans les toutes dernières secondes, et puis ensuite, eh bien, c'est Liverpool qui va arracher la qualification au tir au but, donc, et qui passe les quarts de finale. Et puis Tottenham aussi s'est qualifié en battant donc dans la dernière rencontre West Ham 2-1. Demi-finale donc avec Arsenal Liverpool et Chelsea Tottenham, deux belles affiches. Demi-finale qui se joue en match aller-retour, hein. C'est la particularité de la Coupe de la Ligue anglaise. Tous les tours sont en match simple, mais les demi-finales se jouent en match aller-retour pour donner un petit peu plus de suspense. Et donc on aura Arsenal Liverpool Chelsea Tottenham mardi, donc le 4 hein, de la semaine prochaine, et puis le mardi suivant les deux matchs retour, donc Tottenham Chelsea et Liverpool Arsenal. Et puis va arriver aussi très vite déjà en fin de semaine prochaine, donc mardi c'est match les demi-finales de Coupe de la Ligue, et puis dans le week-end qui suit, le 7 et 8 janvier, c'est les matchs de la Coupe d'Angleterre, la Cup, avec troisième tour. On est vraiment au tout début de cette coupe. Cette cup, ce sera l'équivalent des 32e de finale, voilà, de cette cup, avec notamment l'arrivée de tout le monde à Manchester City, avec Liverpool, avec United à 4. Voilà, tout le monde sera là. On voudra les affiches la semaine prochaine avant le début de cette cup. Voilà, et puis donc la semaine prochaine, les demi-finales de la Coupe de la Ligue. De la League Cup. Donc voilà pour l'Angleterre. On jouera bien sûr cette semaine encore pour la suite du Boxing Day. Donc 20e journée demain et mercredi, jeudi même. Demain, donc, Arsenal Wolverhampton, d'ores et déjà reporté. On aura Leicester Liverpool demain à 21h, belle affiche. On aura mercredi Chelsea Brighton, pardon, et Brentford Manchester City. Et jeudi, ce sera Manchester United Burnley. Donc, pour l'instant, deux reports, avec également Leeds Aston Villa, mais peut-être d'ici là, il y en aura davantage. Et puis, on jouera encore, donc, on jouera mardi, mercredi, jeudi, et on jouera encore samedi, dimanche, lundi. Voilà, on va enchaîner avec, pour l'instant, programmé un soft report. Arsenal Manchester City, c'est samedi 1er janvier à 13h30. Voilà, donc belle affiche. Pour le lendemain du réveillon, bah, vous pouvez mettre un bon petit match de Arsenal Manchester City. On aura sinon Watford Tottenham. On aura Chelsea Liverpool, ça c'est dimanche après-midi. Voilà, là aussi grosse affiche, hein. Donc vous pouvez Arsenal Manchester City samedi et puis Chelsea Liverpool dimanche. Bon programme. Et puis lundi prochain, Manchester United, Wolverhampton, ce sera en fin d'après-midi. Voilà les programmes de cette 21e journée. Enfin 20e et 21e journée, donc deux journées cette semaine. Mais après trêve avec le retour mi-janvier. Voilà quand même pour cette première ligue. Voilà le point un petit peu partout sur les différents championnats. Et puis dernière info dont on a parlé tout à l'heure avec les incidents lors de Paris FC Lyon lors des 32e de finale de la Coupe de France qui s'était interrompue à la mi-temps après les incidents. Eh bien la commission discipline qui s'est réunie aujourd'hui a donné match perdu aux deux équipes. Donc ce qui veut dire que Nice qui était le prochain adversaire de l'une ou l'autre des équipes est directement qualifié pour les 8e de finale. Voilà, n'aura même pas joué de 16e de finale. Voilà, donc les sanctions sont tombées, sanctions lourdes de la part de la commission de discipline. Donc les différentes sanctions donc pour le Paris FC, donc la perte de la rencontre, 5 matchs fermes de suspension de terrain portant sur le stade Charletti. Donc applicable sur les 5 prochains matchs officiels de son équipe, 10 000 euros d'amende, et pour Lyon, pas mal de sanctions. Donc là aussi la perte de la rencontre, la fermeture de l'espace visiteur à l'extérieur jusqu'à la fin de la saison, sanction qui s'applique dans toutes les compétitions, donc championnat, Coupe de France, voilà, la mise hors compétition de la Coupe de France avec sursis, alors attention, à compter l'édition prochaine, étant donné précisé que le sursis ne pourra être révoqué que si des faits de violence sont commis par ses supporters et entraînant l'arrêt définitif de la rencontre avant son terme. Donc si ça se reproduit, eh bien le sursis va sauter et bien l'équipe et puis Lyon sera tout simplement éliminé, enfin exclu même de la compétition l'année prochaine. Et puis 52 000 euros d'amende également, et le remboursement des frais liés à la réparation des sièges dégradés par ses supporters. Voilà. Beaucoup d'annonces, beaucoup de sanctions, et ça va peut-être faire bouger les choses, on l'espère en tout cas, pour cette rencontre. Donc Nice, ça a fait les affaires de Nice, même si évidemment ils auraient préféré s'en passer, qui va se qualifier directement pour les huitièmes de finale de la compétition. Voilà, pour les Niçois qui vont bénéficier de ces sanctions. Et puis la dernière info dont on a parlé également tout à l'heure, le retour de la jauge qui a été annoncée tout à l'heure par Jean Castex, 2000 personnes en intérieur, 5000 en extérieur à partir du 3 janvier, donc le lundi prochain. Ça c'est effectif lundi, voilà, évidemment pour faire face à la flambée épidémique, et puis ce sera valable pendant 3 semaines. Voilà, donc ça sont concernés bien sûr journée 20e, 21e, 22e journée de Ligue 1, avec notamment Lyon-Paris malheureusement, et Marseille-Lille, ou encore Lyon-Saint-Etienne ou Lens-Marseille. Ces matchs-là sont concernés par cette jauge de 5000 personnes. Les 16e de finale de Coupe de France concernés aussi, le 3 janvier. Voilà, Lens-Lille notamment, on avait parlé, donc maximum 5000 personnes. Rugby aussi, là aussi des affiches qui seront réduites. Voilà, donc pas de couvre-feu pour le moment, ce qui a été donné comme précision. Et notamment les nouvelles règles d'isolement seraient arrêtées d'ici la fin de semaine. Et elles devraient aller vers un assouplissement pour les cas contacts. Voilà un petit peu les dernières infos données tout à l'heure par le gouvernement. Lors de la prise de parole, on va se quitter là-dessus avec le programme de la semaine quand même. On le rappelle, donc cette semaine Alors je vous laisse avec aussi la fin du match entre Biarritz et Montpellier. Montpellier mène désormais 18-12, il reste un peu plus de 10 minutes. Et puis sinon, Newcastle United dans une demi-heure, ce sera sur Canal Plus Sport ou RMC Sport, hein, si vous voulez suivre cette rencontre. Et cette nuit, place au basket NBA avec quelques matchs donc sur Bein Sport. Et puis ici aussi Toulon, La Rochelle, Lyon, pardon, Canal Plus, c'est du rugby. Dernier match de la 13e journée de Top 14. Cette semaine, donc le programme, je vous le disais. Le foot, ça passera par la première ligue uniquement. Deux journées cette semaine, pas mal de belles affiches. Voilà, donc si vous voulez suivre du foot, ce sera première ligue uniquement ce week-end. On aura du tennis, le début de la TP Cup, c'est dimanche. C'est samedi, pardon, samedi et dimanche, les premiers matchs. Lundi, on fera déjà un premier point. On aura du rugby. Alors, oui, il y aura du rugby, puisqu'il y aura une journée, hormis ce soir, mais une journée encore samedi et dimanche, top 14, ça continue samedi et dimanche. On aura du basket, oui, avec donc en direct d'ailleurs tout de suite des matchs hein, qui se déroulent avec RMC Sport aussi en diffusion pour Orléans qui déplace à Bourg-en-Bresse. Et il y aura un nouveau match avant la trêve. Non, ce sera le dernier match, pardon. Après, ce sera mi-janvier pour la reprise. Et la NBA, bien sûr, toutes les nuits. Pour enchaîner. Et puis handball, suite de la préparation compliquée pour l'équipe de France avec pas mal de cas positifs. Et puis cette semaine aussi des courses de ski alpin hommes et femmes avec pas mal de courses encore cette semaine. Voilà le programme de la semaine. Nous on se retrouve lundi prochain. On va écouter un dernier titre bien sûr pour se quitter. Et on se retrouvera bien sûr la semaine prochaine. On va écoutez, pour terminer, j'ai oublié, on l'a déjà écouté tout à l'heure, on va écouter, eh bien, on nous propose plein de choses encore ce soir. Eh bien, tiens, Dua Lipa et Elton John pour se quitter avec, bien sûr, Cold Earth, qu'on a beaucoup entendu et qu'on va écouter encore tout de suite. Bonne soirée à vous, bonne semaine, bon réveillon vendredi. Attention pas aux excès. Et puis on se retrouve nous lundi prochain pour la reprise de la nouvelle année. Ciao, bye bye. Et vive le sport, ciao. 20h30, 22h30, pardon, bien sûr, la semaine prochaine. Ciao. Heart done by